nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hentar Brezhoneg. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 435, Perrand Pemp à Trégonde. C'est ça, Henri? Oui, tout à fait. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va voir un mot très courant, corden. Corden qui veut dire corde. c'est facile. Tout simplement. Tout simplement. Alors c'est un mot d'origine grecque, au départ cordé, et qui a donné le latin corda, et le français corde, et le breton corden. Tout ça, c'est la même origine. Alors en breton, c'est un mot qui est féminin, comme en français, et ce qui entraîne une mutation après l'article. On va dire er gorden, une corde, puis er gorden, la corde. Voilà. Alors dans la marine, on dit un bout. On dit pas une corde, ça porte malheur. Voilà. Alors, il y a un pluriel régulier qui est cordez-nous, pour dire quelques cordes. Et il y a un autre pluriel plus général pour dire des cordes, en général, qui est kerdin ou kerden. En musique, par exemple, on emploie plutôt kerden, c'est-à-dire pour les instruments à cordes. Les guitares, les harpes, les violons, etc. Il y en a pas mal qui sont basés sur la vibration d'une corde. Voilà. Alors, une corde, c'est formé de la réunion d'un certain nombre de brins qui sont tressés ensemble et, par exemple, des brins de chanvre. Chanvre, canabin. Autrefois, d'ailleurs, c'était surtout des cordes en chanvre qui étaient fabriquées. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de chanvrières en Bretagne. On trouve ça sous le nom de canabin dans les cadastres. Et qui donc canabe, qui est un endroit planté de chanvre, et non pas un canapé comme on voit parfois traduit. Des endroits, des lieux dits canapés, ça n'a rien à voir. Voilà, le chanvre, on en a assez souvent parlé dans cette émission. Alors, donc c'est un outil indispensable de la vie rurale, la corde, et donc il y a de nombreux endroits qui s'appellent la corderie, par exemple. On trouve des rues de la corderie, par exemple à Rostronin, dans des endroits où il y avait justement des fabriques de cordes. Le fabricant donc étant un cordier. Alors c'est également utilisé pour mesurer, par exemple le bois, au Gordon Guat, donc trois stères. Voilà. Alors beaucoup d'expressions avec la corde, Trey Gordon. Tourner la corde, voilà. Er Gordon de Drey Novel, ça c'est une farce du 1er de l'an, du 1er avril, je veux dire. Envoyer quelqu'un chercher la corde pour tourner le vent. Gordon de Drey Novel. On demandait ça aux enfants. Évidemment, ça n'existe pas. Alors, Gordon Glow, donc c'est l'arc-en-ciel, Gordon Glow. Corden, c'est le cordier, celui qui fabrique les cordes. Alors là, au pluriel, ça va donner or gordenerien, puisque donc c'est un pluriel de nom de personne qui n'est pas terminé par ou, donc il y a une mutation au pluriel or gordenerien. Voilà. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure cordener, le cordier, c'est aussi le cordelier. C'est-à-dire le moine qui porte une corde autour de la ceinture. Les ordres, certains ordres monastiques portaient comme les franciscains portaient des cordes pour remplacer la ceinture. Une corde qui descend jusqu'à terre. Voilà. Alors cordénate, c'est une cordée. D'ailleurs, un instrument, c'est-à-dire une mesure. Par exemple. On parlait de coordonnées pour un quartier. Un quartier, c'est-à-dire l'endroit qui se trouve autour d'une chapelle, un quartier de paroisse. Voilà, coordonnées. Alors c'est féminin, donc on dit en coordonnées. Cordenduar aussi, c'était une vieille mesure, donc qui valait à peu près 64 mètres carrés. Donc dans un journal de terre, Devesaret, il y a 80 cordées de terre. Perugen Corden Duar. Donc ça fait à peu près 64 mètres carrés, soit 8 fois 8. Voilà. Alors il y a des verbes aussi, alors qui sont liés à ça. Corder, faire des cordes, hein, spécialement des cordes de chanvre. Hein. Cordénan, c'est faire des cordes de bois. Et cordénil, c'est attacher, par exemple, un animal avec une corde. Et le participe passé, dans tous les cas, c'est cordénet. Donc, ça dépend du contexte, hein, le verbe qui est employé. Et digordénil, c'est détacher, hein, décorder. Voilà. Alors, d'autres expressions. Cordengrouk, c'est la corde de la potence, hein. Il vaut mieux pas passer par là. Cordenvir. Alors cordenvir, c'est une corde qu'on passait sur le dos pour maintenir un fait. Quand on portait, par exemple, un fait, un fardeau, hein, c'est bir en breton, et cordenvir, c'est la corde qui permet de maintenir le fardeau. Cordenglo, je l'ai déjà dit. Alors une expression, reinbirder gordenlosk, c'est-à-dire tirer sur la corde lâche. Ça veut dire faire semblant de travailler. C'est-à-dire qu'on tire dessus, mais pas trop quand même, pour pas l'attendre. J'ai trouvé ça dans un article de Martial Ménard, et j'ai trouvé que c'était une expression sympathique, quoi. Hein? Reinbirder Gordon Losk. Alors, sachant War Gordon, hein, tirer sur la corde, hein, c'est un jeu bien connu, hein, répandu dans les pardons autrefois, et qu'on voit de temps en temps à nouveau, hein. Donc une équipe de chaque côté et puis une corde, hein, et voilà, le tir à la corde. Hein. Bon, cordenorguir, c'est le cordon ombilical. Voilà toutes sortes de cordes, hein, et d'emploi de la corde. Alors on avait vu d'autres mots, hein, il y a d'autres mots comme nask, hein, qu'on avait vu dans une autre émission, et hørstag aussi, hein, qui est employé dans certaines régions pour les cordes pour attacher les animaux. Eh ben, grême mon temps trop, War Gordon. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek temps matin. Deuxième partie d'émission, Brezonek temps matin. Henri va nous dire un petit mot sur la rentrée. Oui, alors, oui, j'ai voulu parler un petit peu de la rentrée scolaire, puisqu'on est en période de rentrée. Une distro school. Et bon, c'est la rentrée pour beaucoup de choses, hein. C'est la rentrée politique, c'est la rentrée pour les associations, c'est la rentrée pour l'école, c'est la rentrée pour les chasseurs. Bon, beaucoup de rentrées. Voilà, après une période de moindre activité. Alors, je voulais dire un petit mot sur l'enseignement de la langue bretonne à ce sujet-là. Bon, il y a quelques milliers d'élèves qui vont faire leur rentrée dans des classes bilingues, ou au moins des classes où on apprend le breton, dans les filières Diwan, Diouyez, Dihun, et Diskouarn aussi, les crèches en breton. Et donc, quelques milliers d'élèves, hein. C'est très insuffisant, bien sûr, mais enfin, c'est quand même quelques milliers d'élèves. Et il y a aussi quelques milliers d'adultes qui vont commencer ou poursuivre des études pour apprendre le breton. Alors, sous différentes formes, hein, les cours du soir, Kenteli ou Nons, sur Internet, certains, par des stages de longue durée pour d'autres, hein, des stages de 6 mois, par correspondance. Il y en a aussi qui vont écouter Hendor Brezon, voilà, et écouter les radios, en particulier RKB, bien entendu. Donc, beaucoup d'énergie au service de la langue bretonne. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent professionnellement ou bénévolement pour la langue bretonne. Par ailleurs, la situation peut prêter à une certaine inquiétude, hein. J'ai vu dans une interview de Dennis Prigent, là, sur le West Éclair, comme disait mon grand-père, du 3 juillet 2014, là, que il y avait une question sur l'avenir de la langue bretonne, sur la langue bretonne et son avenir. Et il a répondu, la langue bretonne est en train de mourir. Je suis désolé de dire cela et de le dire aussi ouvertement, mais cela est une réalité. Donc, voilà, ça peut être une réalité aussi. Il y a les deux faces, hein, l'espoir suscité par tout ce qui est fait par les gens qui s'en occupent, et puis l'inquiétude par rapport à l'érosion du nombre de bretonnants. Alors sur le plan statistique, hein, on peut pas contredire cette affirmation, puisque avant la guerre 14, il y avait 1 million de bretonnants. Actuellement, il en reste à peu près 200 000. Il en meurt 10 000 par an. Donc évidemment, si on fait le calcul, il en reste pour 20 ans. Sauf quand même que les néo-bretonnants d'aujourd'hui vont pas tous mourir dans les 20 ans qui vont venir. Donc voilà. Alors quand on voit l'énergie qui est déployée, hein, je pense à la REDAD, par exemple, hein, qui a été vraiment un succès. Quand on voit des groupes comme AITA, hein, qui font de la résistance souriante et pacifique, bon, on pense qu'il y a quand même un espoir pour notre langue. Et je pense qu'il y a beaucoup de Bretons qui se rendent compte, qui commencent à prendre conscience de l'importance de la langue bretonne. C'est-à-dire que si la langue bretonne disparaît, la culture disparaîtra et finalement le pays lui-même. Alors on n'est pas trop aidé, hein, faut reconnaître, hein. Bon, les politiques passent leur temps à faire des discours sur l'identité de la Bretagne, éventuellement consomment des petits fours dans les réceptions, mais ça va pas plus loin. Et ça, bon, c'est un petit peu triste, hein, parce qu'en fait, les politiques, qu'ils soient de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, en passant par le centre, les politiques sont pratiquement tous des jacobins, et par conséquent, de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Il y a aussi un phénomène qui est, en fait, on s'est orienté, alors ça c'est l'histoire qui nous a amené là, vers un système de ghetto, c'est-à-dire que on fait des classes bilingues, des écoles bilingues, et les autres enfants, on leur parle jamais de leur pays, de leur culture, ce qu'on appelle les pauvres monolingues, hein, dont eux ne sauront jamais rien du tout sur leur pays, et ça c'est quand même très grave, quoi. Il y a d'ailleurs une chose assez surprenante quand on regarde la carte de l'enseignement de la langue bretonne. En gros, on peut dire que le breton est enseigné là où il n'est pas parlé. Et il n'est pas enseigné là où il est parlé. Toutes les communes rurales autour là, d'ici, où les gens parlent encore breton pas mal, les classes sont monolingues. Et il faut aller dans des endroits où le breton a pratiquement disparu pour trouver des classes bilingues. Alors ça, c'est un phénomène quand même assez surprenant. On pourrait penser que c'est l'inverse, quoi, qu'un milieu bretonnant entraînerait une recherche justement de la culture. Eh bien non, c'est tout à fait l'inverse qui se produit. Donc voilà des inquiétudes et des espoirs. Alors moi je penche plutôt pour l'espoir. Hein, je pense que sinon c'est désespérant, c'est le cas de le dire. Il faut hein. Non, je pense que bon, il faut. On ne sait pas trop où ça nous mènera, mais je pense qu'il faut continuer à espérer puis à travailler. Alors bonne rentrée à tout le monde. Troisième partie d'émission, Petrazone Vervro Eri. Petrazone Vervro, Calzedra et Velgis Boervich Diuzan. Krogum de Dianton Velkis, Acustum Grandela Bourdour, Agevu et Wararmes. Tosta de Rambrement de Zorbladoville Pemzek. Agebabladoville Pemzek, Jusma de Vaux, Comzet Calz de Zorpak, Pignor Vaux, Pak Neve. Agebag et Politique Eres, Videla Bourdour, Vide Bro Europa. A setu bon calzedra ou vos chanchet barzar pak, a herve cleve de vos colet calzer han gant bretonnet, dreistol gant eus averien lez hag gant eus averien zout. Zout vid hig evel just. Bon, ke pes amod vos kont, met gwellet vos. Babla dao vil pemse give vo fin hotayou. Hotayou a bet krou tregon de lasso, jongement meus de se, plus dur de houl se wabe kalz heureuse ganzi et viharz rotayou. Ange vraiment voureuse vid mirone, mais bon, redi ouz a de vraiment bon, redo hor hebe rotayou. Ange den bit benefine war juste ma vo un drava pi un draval, ma trezen vo mat, ma trezen oval, gwellet vo. Mais de or chanche mon bras vo me mestra. Or gudenel zo vraiment, videla bourdouar, y en embargo, Velvelard d'une galak vlour, un embargo de ce braise, de ce bro russien, war bouet, tout d'or bouet de ce auton de ce bro europa, à de ce bro amérique, avait juste. À calz, embreguéré, zioam, braise, gas à bouet de bro russie, hein, d'un square, légumage bouet de l'esp et kik, qui parle, d'un square. Ag bon vek gwar apis sa mod vo kon ma trezen le bardo ke ze gwal bel, me ma bat fe pel ve fe bid un dra di pitus vid un dud zo labour adam war da chen ar bouet, gwalet vo. Hendel bavro an me man prestig vo mar e homiso, homis vi kanton kalag me zang zo ba fin misest, ag vid kanton San Nicolas, vo ba de c'hwer bizgen golo ba la ruen. Bon, war da chen en ekonomi ez bremañ, Lignenti, lignentrin, tis bras, hein, de sparis betag, roison, hein, havunis warog, labour yohamat, hag ben bla dovil, dovil seitek, et l'effet ka de, vefeb déchu, labour yo, hag bon vo, vo gonne de wardro nantera, trepar is a roison. Bon gwelet vo, pes amod vo kon, mais déjà zo labour yo, hein, ba gar yo vel ba, ba zambrieg, ba gwen gamm zo labour yo, vi rotaz, un TGV nevez. Bon, war da chener higmor, zo kudé no roas, gant un tilaz an gat, ba choslin, jonge peus oa bezer de un tilaz an lampol gemilio, a bromen ur sekab, zo per an war un tilaz an gat ba choslin, zo kazer un ti. Bon, ma trez un vokad on an menek de rada posé, mais de ne ke zur. Bon, hag zive febit on tolval, pudur zo. Wadro eis kan e dud o labour ad ba, ba tilaz an ba, ba gat. Bon, dan moa an tam bremañ war da chen ar zevena dur a gerriez. Kal ze drau ezo bekinig d'un dud pa ar vakans o evel just, evel kis, in, kis a kustum. Ba gwell plin un danou de blamme, ezo be kalz dud o tansal, kalz dud o kan, zon er yon oa ne betor pudur ne vek, ne oa ke begred honkour vid kaz zon er yon de gourin, pudur ze oa begred ba la ruen ba mizeen, a set un oa ke de medonan me zan un ba honkour vid binyou, binyou braz a binyou koz. Vel o chanz oa tu do son drejen gol hag honkour drejen gol zo bet. Hag etud de zevro, am eus eus bet ur prijo, hein, etud han ave mat, hein, zon erien han ave mat, bon. Tro ur chapelio zo be mat, mat oar blan me roaz, hag zo be kal ze dud, hein, be bio, hein, hag un inidi ouzan zo ba chapel log maria ba, ba rostren, enfin, oa gojel deus bonen, bremañ zman ba par ouz rostren, et vide had lance en grande vide lance en orguel leur ficelle peont comes de sguelio à de pardon yo ba huervat pesvelard de vieux marché in galag wabekrou de trigun lasso pardon pardon enfin pardon ze wakrou et pelrog mais la que zobé d'or pardon très visuellement à gristenienne a ze oa begret gant lui ma signon, oa on den an part war, war religion hag dreistol war an islam. Hag bon pelzo eet ma signon de normand, ou lan, ba bla dao a triugen, de ze hant vedel, med me mestra der an trao ba werfet. Vid ur seiz an e fez. Bon, ba karnoet veder ador telvenou, hein, bon, là que son neub de Roas, à ba mis Gwengol au vola car réel, a dit ce vaut au nom de Hunter Khan, a gansé, a han traum, mod, vide, vide, traunien dans zen, ba, carnoet. Bon, un trop breiz, a re, zo bet, blanc me Roas, bon, blanc me hei un trop breiz, de ze dinan beta Gwenet, pesera, bénéfine, on t'en de kilomètre, ouais. Pem a daugen le ma dre tout hag bon war ur zun hag benebla vo gred on tam roas un peu dur ve gred un tro breiz an or seis la ve jo gont an dar de splade nous o deig mez hag blan meus o deig mez evel just in il on et fal ur strolat zo rande mat bavro hag zo startij en mat Vante, hein, bon, honneur de mode et Ronan Gebleis à Marc Vassalo Vicano, à peau de guitare, et, Marc Twenon, à peau de violons et, Berthaud, à vraiment, mon Thomas Lotou, quand, Vombart, bah, Strola de Londres de Fall, bah, place Sabine Roidou. Bon, Hendel, zo kalz, bladen ou ave in bande d'herbat, ave non que vid l'art d'entoud, met obligea du reguel même stras au tiemedel bladenu ve in bonne de breis. Neske gual belzo, war an da chanel, oa bet igor de, rad digor de ur pont, ba ilion a ur pont gret gant ar el de la noe. Hag bon, ur pont zo a zer pelzo, bre, fin ur brezel, med bremañ e rad digor de vid veloio hag an dud o vale, hag bon zezo an dra val, da evel just an vid, mir ud ur glad. Bon, ur glad se. Tri, comme je vous obéis de ce West France, Hermar et moi, plus dur, dégâtrer un vlasso à Bécrou et de West France, Barroise, gan le neuf battut, zéwa, niver indien, tannoua de seize et visest, Herbla, père à de Hugen. Hag, bénéfine, et Bécrou et de war, war rivine ou, Ar gela o nel, ar gazet en el, oa ouest, ouest eclair. Me ouest eclair, oa ed, un tan mal, oa zu un alamante de pa de Brezel, a se tu oa ke moyen de mir un mamez naun, a oa bet de kruet de West France. Me pa de pel, me jonge a pe oan bian, un derne de zun dut der el ar de ouest eclair, un de glas ouest eclair, a gaye, oa ouest France, oa. Bon. Neus ket gwall belzo e belak de gist oa rol ur glad ba vo vrans, a oa mam eus tro e gist per. A ze zo an dravad evel just, pur ur gist zo an tamm deus ur glad evel just, bro vrans hag dreistol amman ba breiz, ba bro normand e ive. Bon. Ve genam zo revel an war a gazete, nou pe war a skram, Alan Stivel. Alan Stivel, der a Kano a Zon, a Gouskoud, et n'est que de Zereyo ou Antin, puis j'aurais dégla trugen ma war an mat, hag bon, obligea du Reguel, me mestra der a mon, der a roi. On an an neus de échu di garrière, an bremañ, et Bernard Benoît, a hez oa o Zon ur guitar, a zo bet de bru de tri, or mar e zo bet, hag a razan eus gret de... Ils ont là de 12 ans. Bonne chance dans de garder les plus juste. De Jean Rohou, au Hanaven Mad, puis on y voit scrive dans l'Ever. Ils voient qu'elle est née, ou à elle est née, hein. Ag, ne scrive dans l'Ever, fils de Plouk, à Wabé, au Pays Leverté. Ag, ou à y vu, bénéfine. Ag, bonne ne scrive au, Lever neve hag zo handet liberté, fraternité, inégalité. Jonge al rand e lezor hag zo plijus de l'en. Bon, setu mem gred on tamm tro war pesone e bavro, ma trez an e pointim di rand hag l'ar d'ar ben ar vegel, kien avo eri.